Bonjour à toutes et à tous et re-bienvenue ou bienvenue si vous débarquez au second épisode. Donc si vous voulez voir ce qui s'est passé au premier, bah, vous pouvez cliquer, c'est à côté, c'est pas loin. Donc pour cet podcast spécial sur les suites qu'on aimerait avoir mais qu'on n'aura probablement jamais sans vouloir leur porter la poisse. Donc comme d'habitude pour la cantina Chitaba, je suis accompagné de Macrémic. Re-bonjour Macrémic. Re-bonjour. Comment on se retrouve? Bah oui, comment on se retrouve là, on s'est quitté il y a même pas 10 secondes. Et même un peu plus le temps que je refasse mon lancement, parce que voilà, vous voyez, c'est ça, on n'est pas en direct, on a du montage, donc on essaie de faire les choses bien. On n'y arrive peut-être pas forcément, mais bon, en tout cas, on essaie, l'essentiel c'est d'y participer. Comme disait Pierre de Coubertin, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, donc on va reprendre là où on en était et attaquer avec un nouveau jeu dont on aimerait vraiment avoir la suite. On va peut-être en parler les deux, parce que je sais que justement, on l'avait en commun celle-là quand on a préparé le podcast. C'est une licence justement qui a été lancée il y a un bon moment par un studio finlandais qui s'appelle Remedy et c'est Max Payne. Donc ouais. Tu te souviens quand tu l'as fait le Max Payne, d'ailleurs le Max Payne c'est toi qui, je pense que c'est toi qui me l'avais passé parce que c'est toi qui l'avais ouais. Chez toi. Ouais ouais tout à fait, donc c'est sorti en 2001 et on était encore à l'époque en plein trip Matrix. Et alors je sais pas s'ils se sont servis de ça pour pondre le gameplay de Max Payne, mais ça marchait quoi. Et donc Max Payne, pour faire simple, donc là on est vraiment dans le stéréotype du jeu solo. Donc c'est un jeu d'action, c'est un jeu de shoot, un TPS, très très très narratif. Malgré un gameplay qui est pas mal, parce que bah, à l'époque, c'est eux qui avaient plus ou moins inventé le bullet time, donc c'est ce concept de pouvoir ralentir le temps pour mieux... viser ses ennemis et donner lieu à des sortes de kill cam, on va dire, assez spectaculaires. Et mais en dehors de ça, le gameplay marchait bien. C'est même un des meilleurs, enfin en TPS c'était un des meilleurs gameplay, à l'époque c'est assez révolutionnaire hein. Mais là où on l'attendait pas effectivement, c'était sur sa richesse au niveau des personnages et du scénario. Il y en a qui sont complètement passés à côté, qui ont dit ouais mais Max Payne, bullet time, finalement c'est répétitif, c'est de la merde. Et ben c'est dommage parce que l'univers franchement il était absolument génial. C'est ce côté de personnage un peu donc hard-boiled hein, d'ailleurs ici c'est Matrix au niveau du bullet time, tout le côté en fait après je saute avec les deux flingues, je tire là pour le coup c'était d'ailleurs le jeu le cite lui-même à un moment hein, c'était tiré vraiment de John Woo ouais, des films hard-boiled justement parce que c'est son titre, mais des films action hongkongais. Et c'est vrai qu'en fait, il y avait aussi tout ce côté à la fois roman noir avec donc des cinématiques, c'était fait en fait en BD comics, donc il y avait ce côté un peu comics à l'américaine. Et en même temps, ils avaient utilisé pour tout ce qui était le background du jeu une drogue et tout ce qui touchait en fait à la mythologie du nordique. Donc c'était vraiment c'était passionnant. L'auteur c'était Sam Lake, donc c'est assez extraordinaire. Et Remedy en plus à l'époque, avant de faire Max Payne, je crois que leur jeu c'était plutôt des jeux de course de camions, un truc comme ça. Enfin bref, on n'attendait pas du tout là-dessus. Et donc voilà, donc ils ont fait Max Payne 1, après ils vont faire Max Payne 2, qui pour moi est dans mon top 3 de mes jeux préférés. Alors le jeu est un peu plus court, le gameplay est encore mieux amélioré. Il y en a qui préfèrent le 1 en fait, mais parce que peut-être qu'il était plus loin de ça, mais au niveau de l'histoire c'est pareil. Alors là ça va être plutôt une sorte de film noir d'ailleurs, avec une sorte d'histoire d'amour assez vénéneuse, avec un personnage féminin à l'époque, le personnage féminin bien écrit, qui était assez indépendant. Il n'avait pas des tonnes, Mona Sachs en fait partie, donc personnage qui vaut vraiment le personnage principal de Max Payne, et c'était vraiment torturé, l'écriture était fantastique, il y a des phrases, elles me restent encore en tête. Entre les niveaux, c'était sous style BD aussi, et ça c'était génial. Ouais, sauf que là c'était même plutôt, ils avaient quitté le style comics pour faire en fait plutôt des espèces de romans graphiques, mais avec une sorte de peinture. C'était assez ouais, magnifique. Visuellement c'était chouette. Ouais. Et puis les acteurs, les voix et tout ça, c'était vraiment énorme. Et donc malheureusement c'est qu'après Max Payne, à la fin de ce jeu là du 2, ils annoncent, ça ferme un cycle sur le personnage, mais ils annoncent qu'il y aura une suite en disant voilà son chemin à travers la nuit n'est pas encore terminé. Et donc en fait finalement ils vont partir sur un autre projet qui est Alan Wake. Donc ça je fais juste une parenthèse rapidement sur Alan Wake parce que c'est un jeu dont j'aurais voulu une suite moi personnellement aussi, je sais pas toi Macrémic si t'aurais voulu une suite. Ouais, avec un autre gameplay moins chiant, mais ouais, une bonne suite, ça aurait été cool. Ouais, bah alors moi je suis moins à cheval sur le gameplay, donc finalement ça m'avait pas dérangé, c'est un jeu que j'avais beaucoup aimé, Alan Wake, donc un truc un peu à la Stephen King, très intéressant tout ça. Et donc ça c'est pareil, c'est un jeu, on réclame Alan Wake 2, Et en fait, très rapidement, donc pour finir la digression là-dessus, on l'aura probablement pas. Par contre, ils ont annoncé qu'il y allait avoir une série télé, Alan Wake. Et donc voilà, donc il y aura du beau monde. Sam Lake, l'auteur donc, de Remedy, sera à l'écriture. Et il y aura aussi un des directeurs qui sera celui-là qui a fait par exemple la série Légion, qui est assez fantastique. Et donc voilà, donc apparemment, ça sera le jeu qui sera adapté, peut-être aussi avec des éléments qu'il y aurait eu dans un hypothétique Alan Wake 2. Donc Remedy n'a jamais dit qu'il ferait pas de suite, mais c'est très peu probable, d'autant qu'ils ont fait après Quantum Break et que là ils sont sur Control. Un autre jeu qui va sortir. Et pour en revenir à Max Payne justement, c'est qu'ils ont léché le bébé. J'allais dire ils ont léché le bébé, mais ça ne se dit pas. C'est pas beau. Ils ont laissé le bébé en fait. C'est même dégueulasse, oui. Ils ont laissé le bébé en fait à Rockstar Games, c'est Rockstar Studio qui l'a développé, un Max Payne 3. Tu peux nous en parler un petit peu de ce Max Payne 3? Oui, Max Payne 3, donc une suite un petit peu boostée à la testostérone par Rockstar. Donc ils ont vraiment gonflé, on va dire, le côté spectaculaire du jeu au niveau du gameplay. Donc il est très bien réalisé, il n'y a aucun problème, toutes les scènes d'action, tout le gameplay est très bon. Donc là pour le coup ils sont vraiment passés à des cinématiques en 3D, et en fait c'est un petit peu dommage parce qu'ils ont les premiers niveaux sont bien parce que t'as des flashbacks du Max Payne tel qu'on l'a connu, donc avec ce côté vraiment film de policier un oui, peu noir. Oui, parce que ce qu'on dit pas, c'est qu'en fait ils ont quitté New York, ça se passait à New York. Oui, et là ça se passe au Brésil. Hein. Donc c'est pas franchement ce qu'on attendait comme suite quand on te parle d'un Max Payne 3, parce qu'on s'attend un petit peu toujours à la même chose avec ce côté film policier noir dans les villes dangereuses, etc. Là on sort complètement des sentiers battus, même si les premiers niveaux et puis il y a des flashbacks qui se passent encore dans ce monde là là on va voir du pays puisque ça se passe au Brésil, donc c'est toujours dangereux effectivement puisqu'on va aussi dans les favelas, etc. Mais voilà, c'est pas la même ambiance, c'est pas le même univers. Ben ouais, fait comme tu dis, surtout c'est qu'en fait, ils croient que le côté un peu noir, désespéré et sombre, pour un côté plus gueule de bois qu'il y avait dans les premiers jeux, mais plutôt un ah côté oui, un peu. C'est un alcoolique notoire. Hein. Ben ouais, mais plutôt après. Mais sauf qu'en fait, il le surjoue vachement, et en fait, c'est comme tu dis, c'est que c'est un super TPS, ça t'a l'air qu'une histoire, c'est pour un des. De toute façon, c'est même encore, c'est un super TPS, hein. Mais en fait, c'est pas un super Max Payne, quoi, quelque part. On a l'impression qu'ils ont pas vraiment compris. Le personnage, d'autant qu'ils te remettent, donc ouais, les flashbacks qui sont assez intéressants, sauf qu'il repart sur le côté de genre ouais, ma femme a été tuée dans le premier et tout ça, donc ça c'est le tout début du premier, hein, c'est pas un spoil, hein, c'est comme ça que se lance la licence. Et en fait, il est en train encore de faire le deuil, alors que ce deuil là, justement, il le faisait à la fin du 2. Donc tu te dis, en fait, tu comprends pas trop pourquoi il repart là-dessus. Alors c'est pas pour taper sur le scénariste, c'est Dan Houser de Rockstar, qui est pas un mauvais scénariste, mais il est pas du tout du niveau de Sam Lake, et voilà, et le jeu. Finalement, c'était pas. Donc, quand on dit en fait qu'on voudrait une suite, c'est même pas tant qu'on voudrait un Max Payne 4. C'est qu'en fait, c'est comme on disait tout à l'heure pour des jeux qui se finissent sur un. Comme Andromeda par exemple, ça serait un peu dommage de finir Max Payne cette licence là. Et pour l'instant, ils parlent pas de suite, hein. Mais c'est Rockstar, peut-être qu'ils ont autre chose à faire. Mais c'est un peu dommage que ce soit eux qui s'occupaient de ça. Et qu'on n'ait pas eu le Max Payne 3 qu'on était en droit d'attendre de Remedy. Parce que finalement, ce Max Payne 3 là est un très bon jeu, mais n'est pas une bonne suite, ni un bon Max Payne. Sans que ce soit mauvais, hein. Et effectivement, moi j'avoue que j'aimerais bien, alors on peut pas remonter le temps et les empêcher de faire ce Max Payne 3, mais c'est vrai que j'aurais bien voulu une suite qu'on n'aura jamais, une vraie suite, une vraie trilogie Max Payne par Remedy, en fait, c'est un peu ça que... Enfin, en tout cas, moi c'est ça que j'aurais vraiment voulu, sans rejeter ce jeu-là, parce que je l'ai bien aimé, mais voilà. Donc toi, je sais pas ce que t'en penses, mais... Ouais, bah, de toute façon, je pense que c'est... On le verra jamais, parce que donc Rockstar avait pris les droits, et je les vois pas reconfier cette tâche à un autre studio que eux. Donc soit ils feront un truc, mais à mon avis, non. Oui, d'autant que la fin, en fait, ils peuvent le faire ou ne pas faire. Mais voilà, effectivement, donc ce qui fait que voilà, on aura une suite qui n'était pas la suite que l'on voulait, et donc on n'aura pas la suite que l'on aurait vraiment attendue, et que, de mon avis, la licence était en droit de mériter. Un autre jeu aussi... Une suite, alors c'est même pas une suite, mais en tout cas ouais, des jeux dans une sorte de suite, oui, dans l'univers qui semble compromise, c'est plus qu'un serpent de mer, c'est en fait tout ce qui tourne autour en fait de l'univers de Vampire la Mascarade. Donc la Vampire la Mascarade, c'est à l'origine c'est un truc qui s'appelle le Monde des Ténèbres, hein, c'est un jeu de rôle donc qui fait partie de qui était publié par White Wolf, donc un grand éditeur de jeux de rôle, et ça avait été adapté en fait en jeu vidéo en 2001 par c'était Nihilistic Software, c'est édité par Activision, et donc c'était la Mascarade Redemption Vampire, là, donc c'était un action RPG solo, hein. Et donc qui était sorti en 2001 ou 2000 peut-être même, et donc qui te faisait jouer en fait dans cet univers-là de RPG, et donc qui était assez intéressant, et surtout le gros jeu dont on aimerait une suite, toi comme moi je le sais, c'est le suivant qui était lui fait par Troika Games, donc encore un studio qui a disparu depuis, d'ailleurs c'est ce jeu-là qui va les couler parce qu'Activision va les faire sortir en même temps qu'un autre grand jeu dont on parlera plus tard. C'était donc Vampires the Masquerade Bloodlines, donc un super action RPG qui comment ça s'appelle, donc dans cet univers là de vampires, mais qui se passe dans notre univers actuel, hein, ça se passe de ouais, nos jours. Parce que ouais, le premier vampire, c'est vrai que enfin, on peut en parler un petit peu, c'est qu'il y a deux époques parce qu'on incarne un personnage qui est alors un croisé, Christophe, qui est aux croisades, donc c'est dans les dernières croisades au 13e siècle, je crois. Voilà. Et ensuite, via une petite pirouette scénaristique, enfin pirouette, c'est pas péjoratif. Et non, parce qu'elle était très bien trouvée d'ailleurs, c'est un truc très crédible en plus dans l'univers des vampires. Voilà, on se retrouve enfermé dans un cercueil, en hibernation pendant 400 ans. En torpeur d'ailleurs, on dit, chez les vampires. En torpeur. Et on se réveille au beau milieu de... C'est Londres, je crois, le premier hub, voilà. Et après on va à New York. New York, ouais. Dans les années modernes, récentes. Donc c'était très intéressant, alors que Bloodlines, non, ça se déroule d'une traite. Ça se déroule d'ailleurs à Los Angeles, je crois. C'est sur la côte ouest californienne, ouais, parce que s'il y a... Ouais, il y a Santa Monica, Chinatown, ouais. Tout ça, donc... Ouais, c'est ça. Donc c'était, voilà. C'était un super jeu, alors super bien écrit. C'est un jeu aussi que c'est pareil, que vous pouvez trouver sur GOG à pas trop cher, ou sur Steam, et avec des mods, parce qu'il y a... Est-ce que tu peux nous parler rapidement de la communauté de modeurs C'est ce qui a plombé en fait le jeu à sa sortie. Alors effectivement, c'était un jeu qui utilisait le moteur Source, développé par Valve, et qui devait être utilisé par Half-Life 2. Sauf que contractuellement, ils n'avaient pas le droit de sortir leur jeu avant Half-Life 2. Half-Life 2, lui, a été repoussé quasiment 2 semaines avant sa sortie, il a été repoussé d'un an. Et puis on ne sait pas pourquoi, quand Bloodlines est sorti donc en 2004, il était buggé à mort, alors qu'ils avaient peut-être le temps de peaufiner. Je sais pas ce qui s'est passé chez eux, mais le jeu était truffé de bugs, les quêtes qui ne marchaient pas, les personnages coincés, etc. Enfin, c'est surtout dans les scripts en fait où il y avait énormément de bugs. Ah oui, il y avait même des bugs qui te faisaient. Enfin, moi, je sais qu'au bout de 20 heures de jeu, t'étais coincé et même tes sauvegardes étaient foutues, j'ai dû refaire le jeu, j'étais assez Ouais, je me souviens, t'étais coincé dans une cinématique et tu pouvais pas progresser. Et ça c'était la faute Activision qui a dit non, vous sortez le jeu, donc ils ont coupé, ils ont sabré des quêtes, ils ont sabré des musiques, ouais. Tous des arcs, enfin c'était assez dingo. Et donc effectivement le jeu, c'est en plus de sortir en même temps qu'un big titre, ne s'est pas vendu, les critiques étaient forcément mitigées puisqu'en plus... À cette époque-là, quand il sort en 2004, on était encore quand même dans les critiques où finalement on était très focalisé sur le côté vraiment technique des jeux. On était vraiment encore dans ce côté note. La maîtrise technique, elle était pas encore tout à fait là parce que ils ont beau avoir le meilleur moteur à l'époque, mais ils en ont pas la maîtrise et ça se ressentait un petit peu. C'était dommage. Et ensuite, il y a des gens aussi qui ont pas saisi le concept de faire un FPS temps réel RPG. Parce que c'est pas parce que tu fais un headshot en fait que ça va marcher. Non, derrière t'as tout le système RPG qui se met en place où tu enfin voilà, un tir dans la tête ne va pas faire autant de dégâts que c'est des précurseurs après de ce qu'on aura avec les Fallout, enfin les autres Fallout qui vont sortir, oui. Qui auront ce côté là et d'ailleurs ce qui est amusant, c'est que Troika Games a été fondé par les papas du premier Fallout en fait. Donc, ouais, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est dommage, donc Troika Games va couler, donc bon bah, déjà voilà, ouais. Hein, la licence Activision après finalement Vampire, vu que le jeu ne marche pas, Activision ils vont se dire bon on va plus s'en occuper. Et donc pour en revenir aux modeurs d'ailleurs justement, parce qu'on a sabré, donc les modeurs justement, est-ce que tu peux parler rapidement de ce qu'ils ont fait et qui permet justement maintenant de jouer au jeu dans c'est la version qui aurait dû être la version d'origine. Ouais. Il y a des fous tarés qui ont pris la dernière version parce qu'il y a quand même quelques patchs officiels pour tenter de de redresser un petit peu la barre, mais bon, c'était pas suffisant. Donc les fans se sont mis au charbon et ils ont en fait réparé tous les scripts qui merdaient. Déjà, tout ce qui marchait pas, ils l'ont réparé. Et ils ont pris tout le contenu qui avait été coupé au montage, on va dire, et bien ils l'ont rétabli. Et je crois que le dernier patch officiel, enfin non officiel pour le coup, des modeurs, il est sorti il y a quoi, il y a 2 ans, donc c'est-à-dire... Oui, en 2016, fin 2016 je crois. Ouais, voilà, plus de 10 ans après, les mecs ils bossent encore dessus pour rendre le jeu déjà jouable premièrement, parce que toi tu l'as vécu, t'as été coincé, donc il n'y a rien de plus frustrant que ça. Et puis oui, rajouter des quêtes qu'il n'y avait pas, etc. Jusqu'à en changer complètement le gameplay et le rééquilibrer aussi, parce que c'est pas... Donc ouais, effectivement, après il y a même des modes où tu peux totalement transformer le jeu, parce qu'ils vont créer des quêtes, ils vont créer des arcs narratifs. Donc là c'est vraiment un côté de modeur classique, mais comme tu dis en fait, ce fameux unofficial patch, et je sais pas ce que j'ai avec mon accent anglais aujourd'hui, il est vraiment horrible, mais c'est pas grave, c'est qu'en fait ça te file le jeu vraiment comment il aurait dû être à l'origine, c'est-à-dire que les quêtes qui sont réimplémentées, c'est celles qui avaient été coupées, qui étaient encore dans le jeu, mais qu'ils n'avaient pas, on s'appelle, implémenté, qu'ils avaient coupé. Ils ont même le compositeur du jeu a donné gratuitement des pistes qui avaient été aussi coupées. Donc maintenant, il y a même l'OST qui est vraiment superbe d'ailleurs, qu'on peut réécouter avec des pistes supplémentaires qui étaient prévues à la base, qui n'avaient pas été intégrées au jeu. Et donc voilà, donc avec quelques modes aussi pour les effets de lumière et tout ça, le jeu, comme il a une direction artistique qui est vraiment particulière, qui rend très bien, et il passe encore super bien. Le jeu a donc 14 ans maintenant, et en fait il passe super bien, et c'est vraiment un jeu que, là encore, que je vous conseille de découvrir si vous aimez l'univers vampire. Et donc on parle des suites, Troika Games disparaît, alors après, un peu comme KOTOR, on revient un petit peu à ce que... Je voudrais faire un petit aparté. Ah oui, vas-y. Concernant Vampire Masquerade, j'ai découvert, pas plus tard que l'été dernier, que ce jeu, il est toujours joué. Donc je parle du premier, de 2001. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mode dont on n'a pas parlé là et qu'on a un petit peu oublié. C'est qu'il y avait une sorte de mode multijoueur JDR. Alors toi comme moi, on l'a jamais exploré. J'ai rencontré des gens qui y jouent. Donc ça permet de jouer à un jeu de rôle un petit peu comme le papier. Sauf que là, le support, c'est pas le papier. C'est le jeu, tout simplement. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont se créer leur script, leurs histoires, etc. Moi, je trouvais ça fabuleux. Je pensais que personne ne connaissait ça, que personne ne le pratiquait. Eh bien non, il y a des gens qui y jouent. Et je connais pas d'autres jeux comme ça. Alors, tu en as des supports pour faire du JDR en ligne, il n'y a pas de problème. Hein. Mais ce genre de jeu qui propose ça, je trouve que c'est assez unique. Et voilà, mais moi je trouve que j'étais content de les voir, j'aurais rêvé de jouer avec eux, mais malheureusement j'avais pas le temps, j'avais pas ce qu'il fallait, et c'est dommage parce que ça m'aurait bien plu. Mais en fait, t'as bien fait de faire cet aparté, parce que justement, en parlant de multijoueur, il y avait un projet, donc dans une suite de Blue Knights, donc on savait pas trop sur les suites, Troika Games disparaît, nous, forcément, les fans, on voulait une suite, et donc il y avait un projet donc, qui s'appelle World of Darkness, donc c'est vraiment le titre, le monde des ténèbres, hein, le fameux jeu de rôle, qui aurait dû être un MMORPG, donc ça aurait dû être un peu comme ce qui s'est fait avec The Old Republic, donc on parlait de KOTOR, comme je disais au début. Et en fait, donc il y a eu un projet en développement par CCP Games, et le problème, c'est qu'en fait, ça va... depuis 2011, il a annoncé, donc il s'est quand même passé beaucoup de temps, sauf qu'en fait, voilà, ils vont... donc CCP Games, c'est par exemple eux qui font le jeu en ligne EVE Online. Je continue mes super expressions anglaises aujourd'hui, c'est fou. Le jeu finalement va se développer, on va avoir des choses, des rumeurs comme quoi ça va se lancer vraiment ou pas. Et finalement en 2014, le projet est officiellement annulé. Et donc c'est là, depuis 2014, on n'a plus rien. Et à chaque fois, c'est un serpent de mer et on aimerait une sorte de suite à cet univers-là parce que c'est vraiment passionnant. Et effectivement, en fait, le jeu de vampire, de toute manière, on a eu Vampire récemment par Dontnod, mais finalement, le jeu de vampire, il n'y en a pas tant que ça. C'est un peu, on parlait d'Indiana Jones, les vampires c'est pas mieux non plus, et pourtant on aurait pu penser qu'avec tout le revival vampire qu'il y a eu avec, Twilight, c'est peut-être pas le meilleur de revival, mais chacun ses goûts, mais il y a eu toute une littérature qui s'est relancée, la Beatlit, il y a eu aussi donc même d'autres films et tout ça qui sont arrivés, et finalement en jeu vidéo, ça ne s'est pas lancé, et donc voilà, donc c'est vraiment des suites qu'on aimerait avoir. Donc White Wolf maintenant, ça a été racheté. Ça appartient à Paradox. Paradox aussi, je crois qu'ils ont encore pour l'instant Obsidian, même si j'ai entendu des rumeurs comme quoi Microsoft voudrait acheter Obsidian. Donc voilà, il y a toujours le rêve d'une suite, on va dire, dans l'univers vampire, qui serait écrite et développée par Obsidian, éditée par Paradox. Ça serait fantastique. T'imagines un peu la qualité d'Obsidian d'écriture. Ah oui, complètement. Avec oui. Un univers vampire. Mais le problème, c'est que pour l'instant, ben voilà, on n'en sait pas plus. Donc c'est probablement quelque chose qu'on n'aura jamais. En tout cas, ben voilà, comme on dit, le dernier jeu vampire tiré de cet univers-là, et ben en fait, il date donc de 2004. Alors il y a toujours les fans qui font des choses. Mais voilà, c'est vrai que là, ça fait quand même 15 ans. Et le problème, c'est qu'un peu, c'est un peu comme dans le cinéma. Les films, les jeux qui sont enterrés depuis longtemps, s'il n'y a pas de suite assez directe qui sont mises en branle, au pire il y aura des sortes de reboot, mais des suites ça va être un peu dur, donc voilà, donc c'est malheureusement quelque chose qu'on n'aura pas, et ça va nous peut-être permettre de finir sur une suite qui est un peu là, on va dire le serpent de mer et le serpent une de mer, je pense, ouais, ouais. C'est une arlésienne, c'est même plus le serpent de mer, c'est le Loch Ness en fait des suites, et qui justement est lié à Vampire par un certain côté, puisque c'est le fameux grand jeu qui est sorti la même année et le même moment que Vampire Bloodlines, et qu'Activision a dit, bah, c'est pas grave, on va sortir notre jeu, parce que pourquoi Half-Life 2 ? Ça serait un jeu en fait qui ferait de l'ombre à notre jeu Vampire. Et ouais, donc c'est la fameuse licence. Bah oui, c'est la fameuse licence de Valve, donc on va revenir chez Valve. Half-Life, donc là je te laisse en parler un peu quand même de Half-Life, même si tout le monde probablement connaît. Half-Life, donc le premier qui était sorti en 98. Et qui a tout défoncé sur son passage, un FPS nerveux, bon je vais pas dire l'ancienne parce que bon à l'époque il était d'actualité, mais sans chichi, et qui avait un petit peu révolutionné le genre de par son univers et son côté aussi un petit peu, enfin pas narratif, mais au niveau du scénario qui était quand même plus développé en fait. Ah oui carrément, et puis surtout il mettait en scène... Un roux, c'est rare qu'on mette des roux, enfin on connaît Georges Taubart dans la série des Chevaliers de Baphomet, mais voilà quoi, un roux muet, parce que voilà, c'était assez à lunettes, rare. Ouais. À lunettes, et scientifique. Et scientifique, ouais, on jouait un scientifique. C'est vrai que eux les personnages muets, ils kiffent. Et donc voilà, donc Half-Life qui a connu donc, un très très grand succès, qui a connu deux suites moyennes, donc premier c'était Opposing Force par Gearbox, et Blue Shift par je ne sais plus qui, mais qui était franchement décevant déjà parce que super court et pas génial. Ouais, c'était des spin-offs d'ailleurs, c'était même pas des suites parce qu'on jouait pas Freeman. Ouais, ça se passait, les deux se passaient en même temps, mais sous des points de vue différents. Parce qu'Opposing Force, on était avec les Marines, les militaires. Il y avait donc Blue Shift, donc, qui était moyen, et on jouait dans le rôle d'un petit agent de sécurité de Black Mesa. Sur lequel bah, son monde s'effondre suite à l'ouverture d'une dimension parallèle et etc. Et puis qui cherche juste à sauver sa peau. Donc ça rajoutait quelques petits éléments graphiques, mais franchement ça cassait pas des barres, c'était franchement assez anecdotique et c'est dommage. Du coup, Half-Life 2, bon, on en a parlé un petit peu, il a eu un développement ultra chaotique. Parce que bah déjà ils ont pas tenu les promesses, donc c'était super révolutionnaire. Ils pondaient un moteur 3D au top, ouais. Un moteur physique au top. Ils sortent donc en 2004, hein, novembre 2004. Ouais, 2004. Et quand c'est présenté à l'E3 2002, je crois, franchement ça défonçait tout. On voulait que ça sorte. Sauf que l'année suivante, eh bien, il y a eu des problèmes. Ils se sont fait pirater le jeu, le code source, il s'est retrouvé sur internet. Et à deux semaines de la sortie, tout le monde dit que ça sort en 2003. Gagnoway dit non, mais ça sort dans deux semaines, il n'y a pas de problème. Il n'est pas gold, mais ça va sortir. Et puis 10 jours avant, il dit bon, en fait, non, ça ne va pas sortir en septembre 2003. Et c'est sorti un an après. Et un an après, nous sort un jeu qui est complètement différent du premier, dans lequel on réincarne Gordon Freeman. Donc, pour le coup, c'est vraiment la suite, même si ça se passe des années après. Et adieu les couloirs des complexes sous terre et des labos de recherche. Oui, parce que le premier en plus il se finissait sur une sorte de cliffhanger, si je me souviens bien. Oui, où t'as un pseudo choix, c'est bosser pour l'homme à la mallette ou pas. Voilà. Et donc ça a laissé la porte était grande ouverte pour une suite, il y a pas de problème. Et ça ils l'ont exploité. Et voilà, donc dans le 2, donc on travaille pour cet homme là. Et on se retrouve dans un monde qui a complètement changé. Parce que dans le premier, c'est un monde, on va dire, basique, dans lequel une faille s'ouvre et des monstres arrivent. Mais dans le 2, bah, du coup, en fait, il y a une sorte de... comment dire Les deux mondes ont un peu mergé et on se retrouve avec ce mix, on va dire, entre les monstres qui font maintenant partie de la Terre, et puis il y a des gens qui collaborent avec ces espèces, etc. Et puis il y a des résistants. Mais on se retrouve un petit peu dans une ambiance d'Europe de l'Est, un peu triste après-guerre. Et donc changement radical d'univers. Oui, parce que en plus, comme tu dis, dans le premier, il y avait limite même un côté très très claustrophobique, en fait. Oui, un petit peu. Ouais. Il y avait très très peu de passages en monde ouvert. On savait que ça se passait dans le désert, parce que des fois on voit un petit peu des canyons, etc. Si, il y a de temps en temps, on est un petit peu dehors. Ouais, mais c'était quand même plus axé à un côté un peu plus, même horreur limite. Oui, oui, oui. On est dans des complexes, etc. Sauf la fin où on est sur Xen, la planète des monstres. Et donc le 2, donc changement d'univers. Donc le 2 était bien, succès critique colossal, peut-être un petit peu trop, mais bon, ça c'est un autre débat. Et ensuite, ils ont dit, alors déjà, par contre la fin c'est à se prendre des baffes, un cliffhanger de malade, mais tu t'attends pas ça d'un jeu comme ça. Et en fait, eux, ils ont décidé de surfer sur la mode, parce que c'est encore assez récent, mais de faire du contenu épisodique. Et ouais, ok, bah on va faire peut-être, je sais pas, tous les ans, je crois, on va sortir un épisode qui sera plus court que le jeu original et qui va développer le reste. Ouais, bah justement, on parlait de Gabe Newell, le boss de Valve, et justement, en fait, pour lui, c'était limite en fait que le Half-Life 3 qui doit faire suite à ce jeu-là, c'était grosso modo cette compilation d'épisodes en fait. Ouais. Que ce qu'on attend, c'est Half-Life 3 ou l'épisode 3 de Half-Life 2, mais là je pense qu'il y a péremption, donc celui-là c'est sûr on le verra jamais. Ben ouais, parce que c'est ça, parce qu'au début quand il le présente, il dit en fait ça sera genre Half-Life 3 épisode 1, épisode 2, tout ça, et finalement quand ça sort, c'est Half-Life 2 épisode 1. Épisode 1, ouais, donc sorti dans l'Orange Box, Half-Life, donc épisode 1 qui était bof, et par contre ensuite ils ont sorti l'épisode 2 que j'ai trouvé absolument génial, et parce que bon. Voilà, l'épisode 1, il reprend tout de suite à la fin du premier, vraiment tout se suit, il n'y a pas de temps mort. Et pour le coup, l'épisode 2, il finit sur un cliffhanger de ouf, et qui maintient les joueurs encore en haleine aujourd'hui. Et c'est là où, en fait, on peut... Portal aussi entre un petit peu j'en perds mon latin. Dans la formule, dans l'équation. Parce que justement, on va commencer à parler un petit peu. Enfin, c'est Portal qui va commencer à faire des parallèles avec l'univers d'Half-Life, avec Aperture Science et des tas de trucs. Et ils ont sorti d'ailleurs un ARG, donc Alternate Reality Game, colossal pour annoncer la sortie de Portal 2. Donc, un ARG, c'est là où on va chercher des indices dans les jeux, parce qu'ils en avaient dissimulé dans Portal 1, ils en avaient mis sur le net, ils avaient mis en place des vieux serveurs où il fallait se connecter dessus, et tout le monde s'attendait à du Half-Life, etc. Bon, finalement ils avaient mis Portal 2, et Half-Life depuis, eh ben rien, c'est juste rien. C'est devenu la blague qu'on se fait tout le temps en fait, voilà. Et quand on attend un jeu, on dit ah ben il sortira avant Half-Life 3. C'est ce qui est sûr, c'est que celui-là il sortira vers Half-Life 3, voilà, c'est devenu un peu une blague. Et c'est vrai qu'en plus, comme on l'a dit, Valve, après, ils ont arrêté un peu de faire des jeux vidéo, sauf que là, ils veulent s'y remettre, donc effectivement, dès qu'ils ont dit ça, la hype, parce que la hype, elle est toujours là, il n'y a pas besoin justement de faire des grandes campagnes marketing ni rien, parce que les gens attendent, parce que effectivement, à chaque fois qu'un Half-Life est sorti, que ce soit le 1 ou le 2, pour des raisons différentes, ça a marqué vraiment sa période, sa génération, c'est sorti, hein. C'est quand même des trucs assez dingo. Et comme tu dis, c'est qu'on est vraiment laissé sur un vrai cliffhanger qui fait que voilà, on l'attend encore. Alors là, tu vois, on a des crampes dans les bras, hein, parce qu'on l'attend depuis vraiment longtemps. Et donc voilà, donc on peut même pas dire que y a certains jeux dont on a parlé précédemment dans ces podcasts où justement on se dit bon, ben voilà, il y a un cliffhanger, mais tu peux plus ou moins dire que ça conclut quand même certains arcs narratifs. Là, c'est vraiment. Non, là, pas du tout. Non. C'est vraiment, c'est comme ces séries télé qui sont annulées, alors qu'en fait, faute d'audience, ouais. Voilà, quoi. Sauf que là, c'est même pas une question d'audience, mais on sait pas c'est trop. C'est même pas une question d'audience. Je pense qu'il y a un gros problème avec la qualité de leur jeu, en fait. Valve, c'est un éditeur. C'est un peu comme Blizzard avec Diablo. Diablo 3 a mis très longtemps à sortir après le 2. Parce qu'en fait, les mecs, ils font des jeux en interne. ils font des jeux quasiment complets, ils les testent, et puis à un moment, dans leur processus, ils vont dire « Eh ben non, finalement c'est pas bien, on fout tout à la benne, on recommence ». Quand ils ont sorti Team Fortress 2, il y avait un article qui était sorti, et je crois qu'en fait, en interne, ils ont fait 4 jeux qu'ils ont foutu à la benne, parce que ça leur convenait pas. Parce que le scénario de l'épisode 3 ou de Half-Life 3, en avis, il est écrit depuis des lustres. C'est juste tu fais bien d'en parler parce que justement, il y avait l'auteur de Half-Life 1 qui avait mis justement quelques extraits du scénario il y a un an ou deux, je crois, parce qu'il avait démissionné, de ce qu'il avait écrit lui pour Half-Life 3, ouais. Ouais, et des gens s'étaient amusés à faire des modes, des niveaux pour tenter de reproduire ce qui aurait pu se faire dans Half-Life 3. Et le parallèle qu'il y a avec l'Aurore Bealis, enfin je sais plus quoi, enfin bref, c'est le nom d'un bateau, donc voilà, c'est pareil, on l'avait retrouvé dans les ARG, dans l'univers de Portal, je crois, et qui a son importance visiblement dans l'univers d'Half-Life. Et non, en fait, non, la série est complètement au point mort, au tel point qu'effectivement, Gabe Newell, dans les interviews, il a dit non, mais je suis même pas autorisé à dire le chiffre 3. Voilà. Il parlera pas d'épisode 3, il parlera pas d'Half-Life 3. Il est évident qu'il a été fait en interne, c'est sûr et certain, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais il a été abandonné, et c'est vrai que chez Valve, du coup, il y a quand même pas mal de monde qui est parti. Ce qui nous fait dire que Half-Life 3, ou l'épisode 3, ne verra jamais le jour. Peut-être qu'on l'aura sous une forme. En tout cas, ils vont se remettre à faire des jeux, faut voir ce que ça va donner. Ils ont toujours leur projet aussi de faire leur console, il me semble aussi, parce que Valve, c'est Steam aussi. Donc, c'est Steam, la Steambox, etc. Mais c'est dommage, parce qu'avant de ça, c'était quand même des jeux, et y a des gens qui attendent les suites. Donc ils attendent les suites d'Half-Life, ils demandent peut-être un autre Team Fortress, ils demandent peut-être un autre Left 4 Dead aussi. Il y a une licence qui avait super bien marché, ils ont sorti deux jeux en très peu de temps, et c'était génial. Même si la hype zombie est un petit peu retombée. Et depuis, eh ben, qu'est-ce qu'ils font en tant que développeur de jeu? Eh ben, plus rien. Ben, je crois qu'ils font des trucs sur des trucs mobiles, je crois, là, qu'ils ont lancé des trucs. Ils se sont lancés un peu dans des jeux mobiles. Et donc, ils viennent d'acquérir le studio Campo Santo, mais qui, en théorie, bosse sur son propre jeu. Donc, je pense qu'ils feront que de l'édition là-dessus. À moins qu'après, ils les mettent sur quelque chose, mais je les vois pas ils les mettre sur du Half-Life. Quoi. Ceci dit, si c'est les gars de Campo Santo qui écrivent un jeu Half-Life, alors là ça peut être vraiment génial, parce qu'en termes d'écriture, les mecs sont quand même super super bons. Mais ouais, comme tu dis, c'est vraiment le serpent de mer qui restera pour l'instant le calamar des profondeurs. Peut-être qu'un jour il viendra mettre sa tête translucide tel le Kraken pour venir nous avaler. Mais en tout cas, effectivement, ouais, c'est un truc, on peut pas dire que c'est la suite attendue par plein de gens, qui pour l'instant reste vraiment le vœu pieux. Mais on pourrait parler aussi, parce que l'univers Half-Life, il continue quand même. Il y a des gens qui, en 2012, ils avaient fait, avec le moteur du 2, ils avaient refait le premier jeu, donc ça s'appelait Black Mesa. Oui. Et c'était génial. J'avais vu un commentaire d'un type sur un forum, je sais plus lequel, qui avait dit « Ça me ferait chier que le meilleur FPS auquel je jouais en 2012 soit sorti en 98 ». Et là, ça voulait tout dire. En fait, c'est moi qui l'avais marqué. C'est moi qui avais mis ça comme statut. Ah bon? Ouais. Mais donc, non, mais merci, je suis un type, après tout. Tu vois, mais effectivement. Mais parce que j'étais très content de ma punchline. Et effectivement, c'est ce que j'avais pensé quand je l'avais fait. Je m'étais dit, waouh, c'est le meilleur jeu de 2012. Le meilleur FPS de 2012, en fait, est sorti en 2004. Et 98. Alors, 98, oui, je confonds avec. Ouais. Et il était sorti gratuit à l'époque, il est maintenant au format payant, et ils ont publié il n'y a pas longtemps, parce qu'ensuite il y a quelques niveaux qui sont coupés, dont la fin sur Xen. Oui. Ils ont publié il n'y a pas longtemps les concepts et la progression, etc. C'est toujours prévu de sortir, et je crois que pour la boutade, ils ont dit, on pense que ça sortira quand même avant Half-Life 3. Oui, parce que tout sortira avant Half-Life 3, et c'est pour ça d'ailleurs que même ce podcast sort avant Half-Life 3, enfin à moins qu'il y ait une surprise et que Game Newell dise, bon les gars, en fait, il sort là, maintenant. Mais bon, ça, on sait jamais, hein, peut-être qu'il nous fera le coup. Mais en tout cas, ouais, voilà, donc c'est pour ça qu'on voulait un peu parler au travers de ce podcast, qui sera donc maintenant en deux parties finalement, puisque... Donc voilà, il y aura ce podcast avec sa suite. Voilà, ce n'était pas fait exprès, mais en tout cas, ça tombe bien. Et qu'on voulait parler justement un peu au travers justement des suites qu'on aurait voulu mettre en valeur ces jeux-là, justement, qui auraient, à notre avis évidemment, mérité des suites. Vous, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast-là, ces deux podcasts même. S'il y a des jeux justement dont vous aimeriez des suites, mais que vous pensez qu'on n'aura pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Parmi les jeux qu'on a nommés, bah, c'est pareil. N'hésitez pas à nous dire si vous aussi vous attendez des suites dont on a parlé, si vous pensez qu'il y en aura. Si on, peut-être qu'on fait fausse route en disant qu'on n'en aura jamais. On peut se tromper en même temps, hein. Ça peut arriver. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à commenter, échanger comme d'habitude. Je vous remercie vraiment d'avoir écouté ces podcasts. Macrémix, je te remercie évidemment d'y avoir participé. Et donc voilà, merci à toi quand même. Et donc voilà, donc je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast, d'autres vidéos sur la chaîne. On parlera de jeux pour le coup qui sortiront ou sont déjà sortis. Et donc voilà, donc je vous remercie une nouvelle fois. Je vous dis à bientôt. Ciao.